cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-alama al-shaykh Hamoud at-Tawajri rahmatullah alayhi. Faslun. Qala ibn Muflih fi al-furu'a. وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام والبداءة بالسلام وكمبتدع يجب هجره. هذا الفصل الشيخ حمود رحمة الله عليه il a cité pour montrer les choses que le mu'min il ne doit pas faire, أي ce qui est lié bien sûr avec الكافر. تقدم معنا le درس précédent السلام. Est-ce qu'il peut lui passer le salam ila akhirah? Et fi hada ad-dars, il a cité d'autres masail, al-iyada wa at-tahniya wa at-ta'ziya, et ma yata'allaq bi hajr al-mubtadi', ça sera à la fin du livre, il a cité un bab, enfin on n'a pas besoin de l'expliquer l'an. Wa as-salam taqaddam ma'ana. Commencer par le salam, un kafir c'est haram. Si nous passe le salam, enfin on lui répond wa alaykum. Qala wa anhu yajuz وفاقا لأبي حنيفة والشافعي فبعض العلماء ابن المفلح في الفروع يسد بكل خلاف إلى ستة أن العيادة والتهنية والتعزية سي حرام فسي أن قول العيادة سي rendre visite مثلا عيادة المريض est-ce que tu peux rendre visite à un كافر مالد التهنية سي lui souhaiter مثلا il a eu un enfant فتو le félicite أو il s'est marié. تياتي معنا كذلك التهنية par rapport à leur عيد leur souhaiter bonne fête par rapport à leur عيد مثلا نويل أو أطر. قال تحرم donc il y a un قول c'est حرام مطلقا les visiter إلى آخر. قال وعنه يجوز وفاقا لأبي حنيفة والشافعي un قول que c'est permis لكن تياتي معنا avec certains قيود bien sûr. وعنه لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام اختاره شيخنا ومعناه قول الآجري هذا هو القول الصحيح أنه فوفوار سي من مصلحة أم لا. قال وأنه قول العلماء أنه يعاد ويعرض عليه الإسلام هذا دليل واضح كلا ستة المؤلف رحمه الله. قال وقد نقل عنه أبو داود أنه كان يريد أن يدعوه للإسلام فنعم نعم كأنه إن كان يريد أن يدعوه للإسلام فنعم si c'est pour l'appeler à l'islam فطيب لا شك c'est permis de rendre visite à un kafir avec هذا القصد. قلت أي الشيخ حمود رحمه الله أما عيادة المشرك والكتاب لعرض الإسلام عليه إذا رجع إسلامه أي الزائر si tu espères en lui rendant visite, qu'il va écouter ton kalam. Rabbama, il va l'accepter. Mohim, ça va ouvrir une porte de bien. Ça, un juif, un chrétien, un mulhid, un kafir de n'importe quelle catégorie, il y a juste, dans ce cas, c'est permis. فالصحيح جواز ذلك والدليل عليه ما في الصحيحين وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه. Son père, c'était un compagnon. قال لما حضرت أبا طالب الوفاء l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام quand il est tombé malade et il allait mourir جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية من كفار قريش فقال يا عم أي النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يغبت بتلك المقالة الحديث إلى في الصحيحين تقدم معنا en détail في شرح كتاب التوحيد تستفيد من هذا أن الكافر سيسان قريب إلى حق comme le père, la mère, l'oncle. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fourni un effort. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله سبحانه وتعالى il a décidé de ne pas guider أبا طالب لحكمة. الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم. على كل حال ça nous montre أن on doit faire des efforts. Et c'est un dalil, c'est permis de visiter un malade, même si c'est un kafir. Abu Talib, c'est un kafir, il est mort à l'al-kufr. Et un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a visité. Kadalik, ça montre la gravité des mauvaises fréquentations. Abu Talib, il a tout perdu, ayyadun billah. Il est mort et il sera en effet en enfer éternellement. Comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, ra'aytuhu, il l'a vu dans une situation où il y avait des braises sous ses pieds et son cerveau est bout. Et c'est celui qui aura le châtiment le moins grave yawm al-qiyam. Il y en a tout ce qu'il a fait pour le prophète alayhi salatu salam, il a eu un allègement, mais il restera éternellement dans cette situation, yadam billah. Du feu sous les pieds. Et il se fait châtier, laylan wa nahara. Ça s'arrête plus. Une des causes de hada, c'est les fréquentations. Il savait très bien que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait son bien, c'est son neveu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils du frère de Abu Talib. Abu Talib ibn Abdul Muttalib, il avait un frère Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wasalam. Donc c'est son neveu. Il savait très bien qu'il voulait son bien, il savait très bien qu'il était à la haq. Lakin iyadan billah, les fréquentations et kadhalik at-ta'assub. Il s'est entêté à suivre la religion de ses ancêtres, de son père Abdul Muttalib. Et iyadan billah, il a tout perdu. Al-insan yahdhar fréquenter ahl al-kufr, ahl al-ilhad. Fréquenter l'ashrar, ça a des conséquences très très graves. Ondor, ils ne l'ont pas lâché jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce qu'ils auraient perdu s'ils auraient dit la ilaha illallah? Ils l'auraient laissé. Ils n'auraient rien perdu, hum. Lakin, iyadan billah, hakada, al-kafir, il appelle à son bâtil et le musulman, il appelle. C'est pour ça qu'on doit faire attention, ils sont naïfs. Ils pensent qu'il n'y a que les musulmans et les gens du bien qui appellent. Donc ils écoutent tout le monde. Là, Bardenas, ils appellent au mal. La plupart des gens, un, ils appellent au mal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sataftariq ummati ala 73 firqa. Kulluha fi an-nar illa wahida. 72 groupes, ils appellent au shirr et à l'innovation et à l'égarement. Ça, c'est les groupes parmi les musulmans. Si tu rajoutes les groupes min al-kufr ila akhire, fil haqiqa, tous les groupes, ils appellent au mal, illa ce groupe. Faliyada l'insan yihdhar. Fais attention, et on avait, walillahi alhamd, détaillé certaines choses dans le kitab al-tawhid. Qala wa fi sahih al-Bukhari wa sunan Abi Dawud wa an-Nasa'i an Anas radiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudiyyun yakhdimu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa marida fa ataahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu. Al-hadith il est wadih. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rendu ce visite à ce jeune et c'était un juif. Et il était gravement malade. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rendu visite. فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ. Ça nous montre le maqsad de cette visite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas rendu visite pour autre chose que هذا. أَسْلِمْ, rentre vers l'islam. فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهِ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَ الْقَاسِمْ. تَأَمَّلُوا. Quand Al-Julasa, c'est des uqala. Allahu a'lam, le hal de son père. Est-ce que c'est devenu un muslim, amla? Lakin, il avait du khayr. Et il reconnaissait le rang du prophète, alayhi salam, et le bien qu'il a fait à son enfant. Quand son fils, il l'a regardé, il lui a dit, écoute, Abul Qasim, obéis-lui. T'amènes la différence avec le premier hadith. Quand le Nabi salam lui a dit, qul la ilaha illallah, c'est exactement la même chose que Aslim. Il y en a pour entrer dans l'islam, il faut dire le shahada. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les deux autres? Min al-ashrar, min al-ashqiya. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas délaisser la religion de tes parents? Ahad al-ab, il n'a pas dit ça, il aurait très bien pu lui dire. Est-ce que tu vas délaisser la religion juive? Il n'a rien dit. Ben, il lui a dit, obéis. Ça montre qu'il avait du khayr. Et Allahu a'lam bi halihi, ça demande des recherches. Ahad al-rajul, est-ce que lui-même il est rentré dans l'islam? Il y en a le fait qu'il a dit, obéis au prophète Mohammed, ça montre qu'il y avait du khayr. قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ. Ça montre أن النعمة من الله كما تقدم معنا dans le premier درس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une cause. Ben, c'était la plus grande cause de bien. Et celui qui l'a guidé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib, il n'a pas été guidé. Allah, il n'a pas voulu. Ce jeune juif, il a été guidé. Allah, il a voulu. Toutes les ni'am, c'est min Allah, on doit dire Alhamdulillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui égare, qui donne, qui élève, qui rabaisse. On n'a pas oublié Al-Mun'im, subhanahu. قال واما تهنئتهم وتعزيتهم. Donc on a fini la première masala, c'est al-iyada, rendre visite à un malade par exemple, et on a ad-dalil. Si al-maqsoud c'est pour l'islam, pour l'appeler à l'islam, il a arrivé à la chaque ce matloub, et encore plus si c'est un proche, encore plus si c'est un proche. قال واما تهنئتهم وتعزيتهم. At-tahni'a, c'est pour un enfant, pour une fête, mathalem. At-ta'ziya, c'est tu'azzi ahl al-mayyit, quand mathalem il perd un proche, ce kafir. Est-ce que tu peux aller lui dire les condoléances? At-tahni'a, en général, c'est pour les bonnes choses. Et ta'ziya, c'est pour la mort. Fal-asah, tahrimu dhalik, kama jazama bihi kathirun min al-ulama. وعلّلوا ذلك بأنه يحصل الموالاة ويثبت ويثبت المودة أو المودة. نعم، أي التهنئة والتعزية. الشيخ حمود رحمة الله عليه يقول أنه c'est pas permis. لماذا؟ لأن ça va tisser un lien avec ce kafir. Tu vas lui souhaiter مثلا félicitations parce qu'il vient de se marier, ou il a eu un enfant, ou التعزية, il a perdu un proche. Probablement ça va faire des liens. هذا الكلام سيأتي معنا أنه فيه نظر أنه الصحيح سيكون العيادة سي هي المصلحة فسيبرمي. قال ولما فيه من تعظيم أعداء الله تعالى. نعم سي سي avec cette intention أنه y a un risque, y a un risque pour le muslim, et كذلك il leur souhaite les condoléances أو il le félicite pour une chose avec du ta'zim, فهذا c'est haram, لا شك فيه. قال فيحرم لذلك كما تحرم بداءتهم بالسلام والتوسيع لهم في الطريق. Les deux مسائل qu'on a vu dans le درس précédent. قال ومما لا ريب فيها أنه من موالاة أعداء الله ومودتهم ما يفعله وبعض الناس من الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم فيدخلون عليهم في بيوتهم وكنائسهم ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة. Dans quelques jours, il y aura les fêtes de fin d'année, des fêtes qui sont fondées sur الكفر والإلحاد, خاصة la fête de Noël. لماذا؟ لأن النصارى يعتقدون أن عيسى, whom il appelle Jésus, le Christ, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bel ba'dhum ya'taqidun annahu, c'est lui Allah. C'est lui al-ilah. Et comme a qala al-shaykh rahimahullah, ma yaf'aluhu ba'd an-nas. Y'a aucun doute annahu min mualati a'da'illah wa muaddatihim ma yaf'aluhu ba'd an-nas. Amma souhaité pour autre que les fêtes, ça ya'ti. On essaiera de détailler ensemble, inshallah, avant la fin du dars. Awalan, par rapport à leurs fêtes religieuses, on peut prendre l'exemple de Noël, c'est dans quelques jours. فقال لا شك ولا ريب أنه من موالات أعداء الله وموادتهم ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم. فنعوذ بالله. Celui qui connaît dinu l'islam, il connaît ses fondements, le principal fondement c'est tawhid, qu'Allah il est unique, c'est al-wahid, c'est l'ahad, c'est Allah, c'est l'ilah. Celui qui connaît ses principes, falashak, qui va détester, il va ne pas être d'accord avec ceux qui contredisent ses principes. Al-Nasara, ils contredisent hadith l'aqid, aqidat al-tawhid. Même si injustement ils appellent le christianisme une religion monothéiste, c'est du kadib. Un musulman, il faut qu'il fasse attention. Andoro al-makr, comme il ruse. Et ba'du al-aghbiya wal-juhal, il croit ha'oula. Un homme, ils disent c'est une religion monothéiste, comme l'islam et le judaïsme. Ils disent que Maryam, Marie,

L'enfant, il est touché. Et cette fête, l'amour de cette fête, ça va rentrer dans son cœur. Même si certains prétendent que c'est que des cadeaux et la akhira, laquelle la porte qui est ouverte, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se refermer. Est-ce que ton fils, il va réussir à comprendre plus tard Amla? فليهذا العلماء يزمي أنقرب قال رحمه الله وقد قيل في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور إن المراد به أعياد المشركين هذا سيقول كثير من أهل العلم والذين لا يشهدون الزور أي ceux qui n'assistent pas au zour. الزور c'est tout ce qui est faux. بعض العلماء يزمي الزور هنا c'est أعياد المشركين. لا شك que أعياد المشركين ça rentre في الزور, c'est du faux. Même si le mot zour il est plus global, lakin ça fait rentrer ayad al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala qala walladhina la yashhadun. Et ça c'est fi sourate al-Furqan, comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ba'd sifat al-mu'minin, et parmi ces sifat, et ces caractéristiques des croyants, ils n'assistent pas au zour. Que ça soit la musique, que ça soit des fêtes de mushrikin, que ça soit la mixité, que ça soit le mensonge, ils n'assistent pas. Enfin, pourquoi pour le mushrikin, pour la fête de Noël, ça serait du respect, la tolérance, le bon comportement? Seminazur, ya akhi al-karim, si tu tiens à ton din, écarte-toi de haoula. Qala, inna al-murad bihi a'yad al-mushrikin, hakahu al-baghawi, an mujahid, wa hakah ibn Kathir, an abi al-aliya, wa taus, wa ibn sirin, wa al-dhahak, wa al-rabi' ibn Anas, wa ghayrihim. Ila shakalna. A'yad al-mushrikin, ça rentre تحت هذا العموم. Az-zour, c'est un ism, un nom global qui renferme le mal et le faux. Enfin, on n'a pas le droit d'assister aux zour. Ça englobe les fêtes des kafara, des mécréants. وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَى ابن ياسر نُعِيدْ نَعَمْ قال وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عطاء ابن يسار قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. L'interdiction de rentrer في كنائسهم يوم عيدهم. Pourquoi? لأن c'est une fitna. C'est une fitna عظيمة. القلوب ضعيفة, surtout à notre époque. ضعف في التوحيد, ضعف في العلم, des faiblesses dans l'apprentissage, des faiblesses dans le Coran, des faiblesses dans l'arabe. خاصة الأطفال. Les enfants, c'est encore plus grave de les emmener dans ces endroits. Et في الحقيقة في بلاد الكفر, c'est pas que les canaïs, c'est partout. Même dans les magasins, dans la rue. عيادا بالله. Et là, chacun, les enfants, ils sont attirés par هذا. Par tous ces décors, par les jeux, il a arrêté. Lakin la fête, c'est une fête de kufr. On doit faire attention. Qala, وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عطاء بن دينار. قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أي نعم, كفرة. في الكنائس ce jour-là, عيادا بالله, كفر واضح صريح, كلام شنيع. Ils disent des mots très très graves en parlant de Maryam, en parlant de Isa, عيادا بالله, la Trinité, il a agré. قلب مؤمن موحد, il ne peut pas rester dans cet endroit. فكيف, il va rester, il va célébrer cette fête avec eux, et à la fin, il va les féliciter, joyeux Noël. هذا, c'est un قلب, si on ne dit pas ميت, c'est un قلب مريض جدا. قال وروى أيضا أي البيهقي رحمه الله بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع ابن يزيد قال سمع سليمان ابن أبي زينب وعمر ابن الحارث سمع سعيد ابن سلمة سمع أباه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. Beaucoup de riwayat an Omar radiyallahu anhu, et l'athar il est sahih avec toutes ces riwayat, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il les a cités vers Iqtida Surat al-Mustaqim. C'est une référence, c'est la référence fi hadha al-bab, fi tout ce qui est lié au fait des juifs et des chrétiens, a'yad al-kuffar, et tout ce qui est lié au fait de ressembler au kafara. Une des références c'est hadha al-kitab Iqtida Surat al-Mustaqim de Cheikh al-Islam, et il a cité ce athar

قال وإذا كان الخليفة الراشد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به قد نهى عن مجرد الدخول على أعداء الله تعالى في يوم عيدهم، فكيف يقال في العصاة الذين يدخلون عليهم ويهنئون بأعيادهم الباطلة؟ تذكرون قول عمر رضي الله عنه سلف في الدغوتخي في الكنيسة فقط. مثلا tu passes devant une église le jour de Noël et ils ont leur messe, il a arrêté, interdit de rentrer. Même si c'est par curiosité, même si tu t'écartes. Amma celui qui rentre pour participer, les aider, leur souhaiter joyeux Noël, فهذا c'est une musiba azim. قال ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة ولعلهم مع ذلك يتطلقون في وجوه أعداء الله. يتطلقون أي بوجه طليق أو بوجه طلق أي دي سوغير. Et tu le vois que cet ignorant parmi les musulmans qui se trouve au milieu de Hawla, tu le vois qu'il est content. كأنه il est dans son élément عياذا بالله. Et tu trouves بعض هؤلاء quand ils sont avec leurs frères, avec des frères من أهل السنة, au مجرد ils les voient de loin, leur visage il change. كأنهم ils ont vu ما أدري من. Ça montre que le cœur il est malade. قال ويظهرون الفرح والسرور بما فرح به أعداء الله وسروا به من أعيادهم الباطلة. صحيح. C'est quoi qui les a rendus heureux? C'est cette fête qui est fondée sur la mécréance. الجواب أن يقال لا يشك مسلم عاقل شم أدنى رائحة العلم من العلم أن هذا من الموالاة والموادة لأعداء الله تعالى. لا شك هذا أن سي اون أليونس موالاة وموادة للكفار. Et ça peut être très très grave على التفصيل السابق. على التفصيل السابق. Si c'est parce qu'il aime le kufr et il déteste l'islam et l'akhirah qui leur fait joyeux Noël, fahada c'est un kafir, il est avec eux. Si c'est un musulman et il fait ça, imma pour quelque chose financier, imma pour autre, sa foi elle est en danger. Même si c'est un musulman, c'est très très grave. Qala ومن المحادد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاحذر أخي الكريم de pas faire partie de ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول, celui qui prend une autre voie et s'oppose à la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Et ta'ammal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est un des plus grands élèves du prophète alayhi salatu wasalam. C'est le deuxième calife après Abu Bakr radiyallahu anhu majma'in. Qu'est-ce qu'il nous a dit? La chèque annahu il a pris cela du prophète alayhi salatu wasalam. Fais attention. Reste avec al-mu'minin. Reste avec al-rasoul sallallahu alayhi wasalam. Avec le Coran, avec sunnah. Fais attention. Les ennemis de l'islam, ils ne veulent pas ton bien. Tu participes à leur fête aujourd'hui, Robama, demain ils t'accusent, demain ils parlent sur toi. Ce n'est pas des personnes de confiance. Tes frères musulmans, même s'ils ont des défauts, même s'ils ont des faiblesses dans le comportement, il a akhiré, ça reste ton frère. قال ومن هذا الباب ما أحدثه بعض المنتسبين إلى الإسلام في زماننا من الأعياد الباطلة كعيد الثورة وعيد الجلاء وعيد الاستقلال وغير ذلك من أعيادهم الباطلة. فلا يجوز للمسلم حضور شيء من هذه الأعياد المبتدعة ولا التهنئة بها فضلا عن السرور بها. وكذلك عيد الجلوس الذي أحدثه بعض المسلمين فلا تجوز التهنئة به ولا السرور به. Tous les أعياد qui sont pas légiférés. في الإسلام on a deux عيد. On a عيد الفطر après رمضان, le premier jour de شوال, on a عيد الأضحى. أي pendant le حج, le dixième jour de الحج. نعم. Autre que ces أعياد, fais attention. عيد الشباب, عيد المرأة. Ils ont inventé un عيد pour chaque chose. فاحذر. Je n'ai pas besoin de souhaiter un bon عيد, une bonne fête pour ces choses-là. Tout ça, c'est des choses qui خالف notre دين, enfin, on n'en a pas besoin. فنكتفي بهذا. هذا إن شاء الله. On le laisse pour le prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.